me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment se passe la rédaction d'une lettre lorsqu'on fait appel au service d'un scribe? Comment matérialiser la copie d'une lettre, demande la syriologue Dominique Charpin à l'époque paléo-babylonienne. Pourquoi la lecture syllabe par syllabe? Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, propose dans sa nouvelle série « Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance » d'analyser les processus de rédaction, d'acheminement et de lecture des lettres diplomatiques, privées ou à usage commerciaux, tout genre de missives rédigées entre 2000 et 1600 avant notre ère. Il nous inscrit dans une grande enquête épigraphique et archéologique où les archives royales de Marie sont à l'honneur. Il met en valeur ce trésor de la Mésopotamie par la quantité et la qualité des tablettes d'argile en écriture cunéiforme qui ont été retrouvées et où les lettres ont une belle part. Coéditeur des archives royales de Marie, Dominique Charpin explique que ce sont plus de 6000 lettres qui ont été publiées grâce aux travaux des épigraphistes. Mais les inédits qui apparaissent également dans cette série laissent encore de belles perspectives. Ces lettres tablettes sont écrites en cunéiforme, donc en forme de coin dans l'argile, et Dominique Charpin explique, et je le cite, « L'écriture cunéiforme est de nature mixte, comportant à la fois des logogrammes et des phonogrammes. Le répertoire compte environ 600 signes, ayant le plus souvent plusieurs valeurs logographiques et syllabiques. » Vu de l'extérieur, ce système paraît très compliqué. Traditionnellement, les assyriologues ont considéré que son emploi était réservé à une caste de spécialistes, les scribes, qui seuls pouvaient maîtriser le cunéiforme après une longue période de formation. Mais la réalité, nous l'avons vu cette semaine, est plus riche. Rois, militaires et marchands pouvaient écrire aussi. Après l'art des formules d'adresse et de salutation hier, nous découvrons ce matin un autre art dans ces lettres antiques, celui de la citation, et une fois encore, au travers des nombreux exemples lus avec passion par notre assyriologue, ce sont 1000 anecdotes et tout un monde qui ressurgit pour nous, celui disparu de Marie ou du royaume d'Amourabi. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 7 juin 2017 pour le cours de Dominique Charpin, « Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance, aujourd'hui, l'art de citer et de copier. » Dans certaines lettres, on trouve des citations qui sont mot à mot, alors que dans d'autres cas, elles sont plus approximatives. Il est intéressant de comparer l'original et la citation qui en est faite lorsque les deux textes nous sont connus, ce qui arrive de temps en temps. Alors, on commence par les citations en mot à mot. C'est le cas dans les réponses de Yasmaradou aux lettres de réprimande adressées par son père Samsiadou. On voit que les citations des passages les plus blessants sont véritablement mot à mot. Par exemple, Samsiadou avait écrit à Yasmaradou Et toi, jusqu'à quand aurons-nous à te diriger en toute occasion? Es-tu un bébé? N'es-tu pas un adulte? N'as-tu pas de poils au menton? Jusqu'à quand ne dirigeras-tu pas ta maison? N'as-tu pas ton frère sous les yeux, lui qui dirige de vastes armées? Alors, toi aussi, dirige ton palais, ta maison. Un passage totalement à l'opposé de ce que les psychologues vous diraient aujourd'hui qu'il faut faire à l'égard de ses enfants. Jamais de comparaison dans une fratrie, c'est l'horreur. Mais Sam Siadou, c'est ça. Et en effet, Yasmaradou en a été très blessé. Et à ce reproche, il répond en commençant par citer la lettre de son père. « J'ai pris connaissance de la tablette qu'Adda, donc papa, m'a fait porter, disant « Et toi, jusqu'à quand aurons-nous à te diriger en toute occasion? Es-tu un bébé? N'es-tu pas un adulte? N'as-tu pas de poils au menton? Jusqu'à quand ne dirigeras-tu pas ta maison? N'as-tu pas ton frère sous les yeux, lui qui dirige de vastes armées? Alors, toi aussi, dirige ton palais, ta maison. » Voilà ce qu'Adda m'a écrit. Vous voyez que la traduction respecte l'acadien, c'est rigoureusement mot à mot, et suit un plaidoyer pro domo dans lequel Yasmaradou essaye d'expliquer que tout ça, c'est pas de sa faute, etc. Et le même reproche a été réitéré par Sam Siadou dans une autre lettre. « Es-tu un bébé? N'as-tu pas de poils au menton? Aujourd'hui même, alors que tu es en pleine force de l'âge, tu n'as pas fondé de maison. » Et la seconde réponse de Yasmaradou dit explicitement que son père l'a par deux fois réprimandé. À propos du message qu'Adda m'a envoyé, disant « Et toi, jusqu'à quand aurons-nous à te diriger en toute occasion? Es-tu un bébé? N'es-tu pas un adulte? N'as-tu pas de poils au menton? Jusqu'à quand ne dirigeras-tu pas ta maison ?» Assurément, cela, Adda me l'a écrit par deux fois. Et on voit que cette deuxième citation renvoie davantage en fait à la première lettre qu'à la seconde. Et si ces citations sont littérales, c'est évidemment en raison de la gravité des accusations portées par Sam Siadou. Les seules variantes que on relève entre les originaux envoyés par Sam Siadou et les citations de ceux-ci dans les réponses de son fils sont d'ordre graphique. Là où vous avez « admati », vous avez une syllabation différente, « adimati » dans la citation. Vous avez des endroits où une voyelle est rajoutée ou bien « manque ». Ou bien vous avez des syllabes qui sont décomposées, sha'artum, ou bien chartum. Ici encore un exemple, tuwa'ar par rapport à tuwa'ar. Ces variantes sont intéressantes parce qu'elles nous montrent que le scribe qui écrivait la réponse n'avait pas sous les yeux l'original envoyé par Sam Siadou. Et là, deux solutions sont possibles. Ou bien il venait de lire ou de relire ces textes et il les avait retenus par cœur, d'où l'exactitude de la citation, ou bien quelqu'un d'autre en faisait lecture et il notait exactement ce qu'il entendait, auquel cas ça explique pourquoi on a des syllabes qui sont différentes. Il arrivait qu'un fonctionnaire ayant reçu une lettre en cite le contenu dans une missive adressée au roi et joigne à son courrier la tablette qui lui avait été adressée. Et dans ce cas-là, les citations sont généralement mot à mot. Tel est le cas d'une lettre écrite par Bardilim au roi. Il cite une lettre qu'il avait reçue de Menihoum et la fait suivre en même temps au roi. Et donc on peut comparer la lettre qu'il a reçue et la citation qu'il en a faite dans la lettre qu'il a envoyée. C'est du mot à mot. Mais on a aussi des cas où les citations sont davantage éloignées de l'original. Ainsi en est-il des paires formées par une lettre écrite à Zimrilim lorsque celui-ci est en voyage, qui a été archivée à son retour dans le palais, on y reviendra, et puis la réponse du roi à la personne qui lui a écrite, qu'on a également retrouvée dans le palais. Exemple, avec une lettre écrite par Mukanishum à Zimrilim. J'ai fait tisser une étoffe à application, ce dont m'avait parlé Monseigneur, mais je ne dispose plus de laine de qualité assez bonne. Or, il y a un sac en cuir Goussanoum contenant de la laine de Babylone, scellé au sceau de Monseigneur, alors qu'il n'y a plus de laine de luxe permettant de poursuivre l'application en haut, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, que Monseigneur écrive à Doudouri pour que ce sac de cuir soit ouvert en sa présence et que les tisserands choisissent la laine. Et la réponse du roi cite le courrier qui a été reçu de cette façon. « Voici ce que tu m'écris. Il manque beaucoup de laine pour cet habit. Or, il y a un sac de laine de Babylone. que Monseigneur m'envoie une lettre pour que ce sac soit ouvert en présence d'un doudouri et que l'on me donne la laine qui manque pour cet habit. » On voit que cette citation que fait le roi est en réalité un résumé du courrier qu'il a reçu, omettant certains détails secondaires et ne retenant que l'essentiel. C'est donc le contenu général du message qui est cité et pas son mot à mot. Et c'est le cas le plus fréquent. On le voit, par exemple, dans une réponse que fit le roi Zimrilim à sa mère. « J'ai écouté tes tablettes que tu m'as fait porter au sujet de beaux vases à libation à faire faire, à propos desquels je t'avais écrit précédemment. Tu m'as écrit longuement en ces termes. J'ai pesé 3 grands vases qui retoument, ils font 5000 et 7,5 cycles chacun. Voilà ce que tu m'as écrit. » Longuement. Clairement, la citation n'est qu'un résumé des longues lettres que Hadoudouri a écrites à son fils. Le cas est connu également pour Samsi-Hadou. Lorsque celui-ci cite une lettre antérieure qu'il a envoyée à Yasmaradou, eh bien, on voit que les deux textes diffèrent notablement. La première lettre dit ceci: « Tous les citoyens du Zalmakoum que l'on capture régulièrement pour toi, pour en tirer des informations, tu ne dois plus les prendre en servitude, ni désirer qu'ils soient tes serviteurs. Tous ceux dont on s'emparera pour toi, revêt-les d'un habit et laisse-les aller. » Pour 20 esclaves, cela me reviendrait à 20 cycles, qu'est-ce là ? Vais-je pleurer l'argent qu'ils m'auront coûté ? Et pour une vingtaine d'esclaves que tu libéreras, la puissance de l'ennemi en sera-t-elle renforcée ? Et le passage correspondant de la seconde lettre est beaucoup plus développé. Assurément, naguère, je ne savais pas que tu t'étais emparé de la ville, et je t'avais envoyé le message suivant à propos des citoyens du Zalmakoum. Les citoyens du Zalmakoum que l'on prendra pour en tirer information lors d'un raid, ce n'est pas le moment, ne te les approprie pas. Donne un présent à celui qui aura été pris et en urgence, revêt d'un habit celui dont on se sera emparé pour toi. Envoie-le circuler à l'intérieur du pays pour qu'on le voie et laisse-le aller. Lorsque le pays du Zalmakoum tout entier verra quel est son sort, voici ce qu'ils se diront. Notre Seigneur a négligé notre faute, il ne nous pillera pas. Voilà quelle sera leur conclusion. Ils y feront attention, en sorte que, lorsque tu monteras vers ce pays-là, tout entier il passera dans ton camp comme un seul homme. Agis ainsi. Voilà ce que je t'écrivais. » Alors, comparant ce second texte au premier, Jean-Marie Durand avait noté, je cite, « On découvre un texte beaucoup plus riche et complexe. Faut-il supposer qu'il y a eu encore une lettre dont nous n'avons plus le texte ? Samsi-Hadou a pu envoyer plusieurs lettres en plusieurs lieux à un moment où il ne savait pas exactement où joindre Yasmaradou. C'est une explication possible, mais on peut penser également que Samsi-Hadou a davantage développé sa pensée, la seconde lettre ne constituant donc pas une citation verbatim de ses propos antérieurs. Et cette hypothèse peut s'appuyer sur un autre exemple. Lorsque le roi d'Ashlaka Ibaladou, écrivant à Zimrilim, résuma ses propos antérieurs, eh bien, il le fit de cette manière. « Précédemment, à 2 reprises, j'ai déjà écrit à Monseigneur en ces termes, « Si Monseigneur tarde, il faut que Monseigneur m'envoie 300 hommes de troupes pour que je puisse avoir une entrevue avec Monseigneur, et nous possédons ces 2 lettres antérieures, les numéros 54 et 57 du volume ARM 28, et on constate en fait que dans le numéro 58, eh bien, le roi d'Ashlaka ne fait que résumer brièvement le contenu des 2 autres lettres, dans lesquelles à chaque fois le développement est d'ailleurs différent. On ne peut considérer que cette façon de citer en résumant était une sorte de privilège qu'auraient eu les rois, car certains de leurs correspondants, lorsqu'ils rappellent ce qu'ils ont écrit, en font tout autant. Ainsi en va-t-il de la reine Shiptou. Elle cite une lettre qu'elle a reçue de Zimrilim. « Au sujet de l'ail, Monseigneur m'avait écrit ceci. Prends 10 ougars d'ail auprès de Tzidkiépour et fais-les sécher sur le toit du vestibule. Voilà ce que Monseigneur m'avait écrit. » Eh bien, nous possédons le message que Zimrilim avait envoyé à Shiptou antérieurement, et il est beaucoup plus développé. « Fais observer à Tzidkiépour qu'il doit rassembler l'ail. Je réceptionnerai de lui 10 ougars d'ail comme condiment. Si l'ail est bien sec, reçois-le et qu'on le verse dans des jarres de 30 litres chaque, puis scelle-les avec ton seau. S'il n'en est pas ainsi, et que l'ail ne soit pas sec, qu'on le sèche sur le toit du vestibule, mais que le toit soit scellé de tonceaux. C'est l'accès au toit, bien entendu, qui va être scellé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la répartition des lettres dans le volume ARM-10, en fonction des expéditeurs, a eu comme conséquence de séparer ces deux lettres qui forment une paire. La première lettre envoyée par Zimri-Lim a le numéro 136, tandis que la réponse par la reine Chiptou a le numéro 16. Et il est bien évident que, du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, il aurait été beaucoup plus intéressant que les deux lettres se suivent. La comparaison entre un original et la citation qui en est faite permet de prendre le gouverneur de Sagaratou, Miyakimadou, en flagrant délit de mensonge. Il écrivit, en effet, au secrétaire royal Shunuraralu, « Naguère, je t'ai expédié Ishkursha Saga, et voici le message que je t'avais envoyé concernant le fils de Sinmushalim. Le fils de Sinmushalim se trouve à Katunan. Il faut qu'une tablette de toi aille chez Zakira Hamou, le gouverneur de Katunan, pour qu'on te ramène le fils de Sinmushalim. Voilà ce que je t'avais écrit. Maintenant, voilà que je t'ai envoyé Ishkursha Saga. Naguère, je t'avais fait porter réponse immédiatement à ta lettre, etc. » Or, nous possédons l'original, et il y avait ceci d'écrit dans la lettre antérieure de Miyakimadou. « Tu m'as écrit au sujet d'Ishkursaga et de Nana Ibilamansu, fils de Sinmushalim. Le fils de Sinmushalim est à Katunan. Voilà que je t'ai envoyé Ishkursaga. » On voit donc que, dans cette première lettre, le gouverneur de Sagaratoum s'était contenté d'indiquer que l'individu recherché était à Katunan, sans ajouter qu'il convenait d'écrire au gouverneur de Katunan, Zakira Hamou. Et on peut donc penser que c'est à dessein que son autocitation dans la lettre postérieure est plus explicite. Il n'a pas lui-même écrit à Zakira Hamou, mais il feint d'avoir indiqué à Shunuraralu que c'était à lui de le faire. Un cas tout à fait extraordinaire nous est fourni par Laoum. En effet, dans deux lettres successives, il cite une lettre qu'il a reçue de Zimri-Lim et qui nous a été conservée. Un messager était arrivé à Katunan, porteur d'une tablette pour Laoum et d'une autre destinée à Ibalpiel. Dans sa lettre, donc FM 338, Zimri-Lim disait à Laoum d'attendre le passage de messagers de Kourda pour que son messager se joigne à eux de façon à rejoindre Ibalpiel. Et si aucun messager de Kourda ne passait jusqu'à la fête des Pagraou, Laoum devait alors renvoyer à Zimri-Lim le messager avec la lettre destinée à Ibalpiel. On a ensuite la réponse de Laoum à Zimri-Lim dans FM 255, et Laoum explique qu'il y a une erreur parce que Ibalpiel ne se trouve pas à Kourda, comme le croyait le roi, mais à Tabatoum. Et donc Laoum lui a fait parvenir sa lettre par la voie habituelle. Et quelques jours plus tard, Laoum envoie une deuxième lettre, FM 256, où il reprend le contenu de sa missive antérieure, mais il ajoute que, après avoir gardé le messager de Zimri-Lim, il vient de le renvoyer. Et donc on peut penser que c'est à ce messager que Laoum confia à la fois son deuxième message, FM 256, ainsi que les ordres qu'il avait reçus de Zimri-Lim, FM 338, de façon que Zimri-Lim ne puisse pas lui faire de reproches, puisqu'il a agi de façon différente des ordres qu'il avait reçus du roi. Eh bien, lorsqu'on compare les deux citations qui sont faites de la lettre du roi, citation numéro 1 dans FM 255 et la citation numéro 2 dans FM 256, on voit que entre ces deux citations, il y a des variantes absolument minimes. En revanche, les divergences de ces deux citations par rapport à l'original censé être cité sont beaucoup plus importantes, et c'est d'autant plus curieux que Laoum avait encore l'original avec lui à ce moment-là. Donc on voit bien que c'est la façon habituelle de faire. Ce qui est présenté bien souvent comme une citation, en réalité, c'est un résumé des propos antérieurs. Mais il arrive qu'on n'ait pas affaire à une simple citation plus ou moins longue, mais à la copie intégrale d'une autre lettre. Et celle-ci se signale par la présence de l'adresse. Alors on a deux cas possibles. Il peut s'agir simplement du double d'une lettre, ou bien la copie est intégrée à l'intérieur d'une autre lettre. En ce qui concerne les doubles, André Finet a signalé l'inédit A2705, qui est une lettre de Yasmaradou au roi de Katna, Ishriadou, et qui porte au bas du revers la mention Anna Adda. Adda, nous savons, c'est le petit nom, papa, qui est la façon dont Yasmaradou s'adresse à Samsiadou. Or, cette lettre n'est pas destinée à Adda, c'est une copie qui est destinée à Adda. Et on ne sait pas pourquoi, finalement, cette copie n'a pas été envoyée, puisqu'on l'a retrouvée à Marie. Nele Ziegler m'a suggéré l'explication suivante. Yasmaradou aurait gardé la copie d'une lettre qu'il a envoyée au roi de Katna, et cette copie était destinée à son père au cas où celui-ci en demanderait communication. Du style lettre de reproche, mais qu'est-ce que c'est que tu es allé écrire au roi de Katna, tu lui as écrit des choses inconvenantes. Alors, à ce moment-là, Yasmaradou peut sortir de ses archives la copie en disant « Mais non, voilà exactement la lettre que j'ai envoyée au roi de Katna, j'ai bien suivi les instructions que tu m'avais données, etc. » C'est en effet un scénario tout à fait vraisemblable. On peut signaler un cas tout à fait étrange. Il s'agit d'une lettre de Tsitkoumlanassi, qui était un ministre du roi de Karkemish, envoyée à Yassim Soumou, le ministre de l'économie du roi de Mari. « Dis à Yassim Soumou, ainsi parle ton ami Tsitkoumlanassi. Tu m'as écrit à propos du grain, et puis tout le reste de la tablette est cassé, et lorsque ça reprend au revers, on voit un double trait. » Et ensuite, on a cette indication, cette tablette est une copie de la tablette de Tsitkoumlanassi. Du fait que la tablette est de Tsitkoumlanassi, on l'a renvoyée à Tsitkoumlanassi. L'éditeur avait simplement observé, noté l'amorce d'un double trait au-dessus de la ligne imprime qui marque la fin du texte original tel qu'il a été recopié par le scribe. Celui-ci spécifie ensuite la destination du duplicat. La photo qui est désormais disponible sur le site Archibab grâce au projet PSL Digibarchi permet de voir quelque chose que l'éditeur n'avait pas indiqué. Cette tablette a été en effet écrite par une autre main que le reste des lettres de Tsitkiépour, comme le montre la comparaison, par exemple, avec ARM 26.2 449. Et donc, il s'agit d'une copie qui a été faite soit par Yassim Soumou lui-même, dont nous savons qu'il avait reçu une formation de scribe, soit par un scribe de son service. Et si l'on comprend bien l'ajout qui a été fait après la double ligne qui marque la fin de la citation, eh bien, l'original a été renvoyé à l'expéditeur, mais on en a gardé un double, et malheureusement, la cassure de la deuxième moitié de la tablette nous empêche de comprendre ce qui s'est exactement passé, mais cette pratique exceptionnelle méritait d'être relevée. Le plus souvent, les copies étaient précédées par une introduction ou incorporé à une autre lettre, le tout étant matérialisé par l'existence d'une ligne au début et à la fin qui isole la copie et la fait très visiblement ressortir en tant que telle. Ainsi, dans une lettre à Yasmaradou, Samsiadou recopia à l'intention de son fils une lettre qu'il envoyait au roi de Katna, de façon que Yasmaradou puisse s'en inspirer pour la missive que lui-même devait adresser au roi de Katna, qui était en même temps son beau-père. « Voilà que j'ai fait inscrire sur ma présente tablette la copie de la lettre que j'ai fait inscrire pour Ishriadou et te l'ai fait porter. Écoute-la, fais écrire sur une tablette des propos amicaux en harmonie avec les termes de la copie de la lettre destinée au roi de Katna que je t'ai fait porter et fais-lui tenir donc ses propos. » L'expéditeur pouvait aussi reproduire une lettre qu'il avait envoyée à quelqu'un d'autre. Par exemple, on a une lettre que Zimrilim a adressée à Askoudoum et qui contient la copie d'une lettre qu'il venait d'envoyer à Amoudpiel de Katna. De même, Itourasdou écrivit à Zimrilim une lettre contenant la copie d'une lettre qu'il avait envoyée à Touribadal. Et après une brève introduction de quatre lignes, un double trait matérialise visuellement le début de la copie avec une nouvelle adresse Et de cette façon, il n'y avait pas d'ambiguïté. Il pouvait également arriver que l'on recopie pour un tiers une lettre dont on n'était pas l'auteur. Ainsi, une lettre de Akbar Ahum à Zimri Lim contenait la copie intégrale d'une lettre de l'empereur élamite au roi de Kourda Hammurabi. Une autre lettre acéphale, mais également attribuable à Akbar Ahum, reproduit cette fois un message d'Atamroum à Hammurabi de Kourda. Dans ARM 26435, on a un cas un petit peu plus compliqué. On voit en effet que dans un premier temps, une lettre a été envoyée par le roi Shukruteshub d'Elurut à Shubram. Dans un deuxième temps, Shubram a fait suivre cette lettre à Rimdiya, qui était à l'époque le régent du royaume d'Andarig. Troisième épisode, Rimdiya fait recopier cette lettre pour Yassimel, qui était le représentant local de Zimri Lim, et finalement, Yassimel recopie intégralement cette copie dans une lettre à Zimri Lim. Donc ici, on a affaire à une copie de copie, si je puis m'exprimer ainsi. Et le cas le plus extraordinaire est constitué par FM2 116. Le roi d'Apum Turupnet qui avait écrit une lettre à Zimri Lim. Zimri Lim écrivit ensuite à Sumuhadu et joignit à sa missive la lettre de Turumnatki qu'il avait reçue. Ensuite, Sumuhadu écrit au chef yaminite en citant les propos de Turumnatki. Et finalement, Sumuhadu écrivit à Zimri Lim pour rendre compte de la mission qu'il avait reçue. Et donc, dans cette lettre à Zimri Lim, Sumuhadu recopie la lettre qu'il a envoyée au chef yaminite. Et nous ne connaissons que la dernière lettre. Mais c'est grâce à cette dernière lettre que nous pouvons reconstituer le contenu des trois lettres antérieures. Donc, un système de citation emboîté qui fait penser à des poupées russes, si vous voulez. À côté de ce style de copie, il existe un autre genre tout à fait différent que on peut qualifier, si vous voulez bien, de circulaire. Il s'agit de lettres dont le contenu était identique, mais qui étaient adressées au même moment à des personnes différentes. Alors on peut citer, au moment de l'avènement de Zimri Lim, deux lettres parallèles, l'une adressée à Tishulmé et l'autre adressée conjointement à Abisamar et à Ikshud Lachemichou. Ces deux lettres donc expliquent la politique de Zimri Lim au moment où il remonte sur le trône et elles sont destinées à des gens qui, comme lui, avaient été privés de leur trône ancestral par Samsi-Hadou et qui veulent récupérer leur trône. Ce ne sont pas des duplicats tout à fait exacts, mais ce sont plus que des parallèles. Donc on peut verser ce cas dans la catégorie des circulaires. Un autre cas connu depuis longtemps est celui des lettres adressées par Hammurabi de Babylone aux fonctionnaires de Zimri Lim au moment de l'invasion élamite. On a une lettre adressée à Bukakoum, qui est le gouverneur de la région du Souroum en aval de Mari, et une lettre identique adressée à Bardilim, qui est le gouverneur de Mari, les deux lettres ayant exactement le même contenu. Un très bel exemple est connu indirectement par une lettre d'Ashmad, que je cite, « Suivant ce dont j'ai pris connaissance par la tablette de Monseigneur, des tablettes à tous les rois, Abunu Ishtar, Radnurabi, Sharia, Sharum Kimakalima, Turumnatke, Hayasumu, Ruziran, Kabiya, Hadnituruk, Mariatum, Hammurabi, Sipkunahadu, Asditakim, Bunumahadu, Yarkabadu, Abietar et Askeradu, des tablettes donc j'ai fait porter où je dis, le sire d'Eshtuna est en train de monter en disant « Je vais instaurer mes nouvelles frontières, je me dirige vers Shubat Enlil. » Voilà ce que le sire d'Eshtuna a écrit chez Monseigneur. On voit donc que Ashmad a fait porter à 17 rois, qui sont cités nominativement, 17 lettres similaires, ce qui constitue, à ma connaissance, un record. Un dernier exemple est intéressant. Ce sont deux lettres de Yamtsum qui ont le même contenu, étant adressées l'une à Akbar Ahum, l'autre à Yansib, et puis le nom est cassé. Et on voit que la lettre ARM 26309 est un duplicat du 308, à l'exception de deux lignes qui ont été omises, et on a vraiment le sentiment que le scribe a commencé par la lettre numéro 308, et ensuite il l'a recopiée avec une adresse différente dans le numéro 309, et en recopiant, il n'a pas fait attention et il a sauté un passage, ce qui est le type de distraction bien connu lorsque on fait une copie en ayant une autre tablette sous les yeux. Le Collège de France et France Culture vous présente l'assyriologue Dominique Charpin, Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance. Aujourd'hui, l'art de citer et de copier. La deuxième étape que je veux évoquer aujourd'hui, c'est la question de la relecture. Vous vous rappelez qu'on a vu que dans certains cas, les lettres étaient prises par le scribe sous la dictée, que dans d'autres cas, le scribe notait simplement les intentions de l'expéditeur et rédigeait tranquillement la lettre. Dans les deux cas, bien entendu, il convenait qu'une fois la tablette inscrite, le scribe la relise devant son maître avant de la placer sous enveloppe. Et lors de la relecture, il pouvait arriver que l'expéditeur indique des changements à apporter au texte. C'est ainsi qu'il faut interpréter les cas où certains mots, voire des lignes entières, sont effacés et réécrits, et ceci laisse des traces que nous pouvons observer. Alors, malgré cette étape de la relecture, un certain nombre de fautes pouvait subsister dans les lettres, et cela était un phénomène inévitable lié à la lecture globale que les scribes devaient pratiquer tout comme nous. Alors ils ont une écriture syllabique et non pas alphabétique, mais n'empêche qu'ils procédaient aussi à une lecture globale. Lorsque l'étape de la relecture n'était pas respectée, le scribe prenait le risque d'une erreur qui pouvait avoir de graves conséquences, comme nous le montre une lettre de Hammann, que j'ai publié dans les mélanges von Soden. On a une lettre de Hammann, qui était le chef sugagum de la ville de Der, au chef nomade Ibalpiel, qui indiquait que la ville d'Apacha avait été prise. Or, c'est une ville très importante. Et apprenant cela, Ibalpiel écrit immédiatement à Zimrilim en lui transmettant l'information. Et puis ensuite, Ibalpiel arrive en personne à Der et il apprend que, mais non, c'est pas du tout Apacha, tu as rien compris, c'est Hadouraha qui a été prise, un petit village dont on ne connaît pas d'autres attestations. Et du coup, Ibalpiel se précipite pour envoyer une lettre à Zimrilim en expliquant qu'il y a eu une erreur et il ajoute ce passage très intéressant. Mais le scribe qui a écrit la tablette de Hammann s'est trompé. Il a écrit Apacha sur la tablette. Et il a mis sous enveloppe la tablette sans la faire écouter, sous-entendu, sans la faire écouter par Hammann, l'expéditeur. Alors, cette explication, elle est très intéressante, mais elle me semble prouver que la relecture se fait bien syllabe par syllabe et qu'il n'y avait pas de traduction simultanée, parce que sinon, si le texte était écrit en acadien et relu en amorite, eh bien, la relecture n'aurait pas révélé une telle erreur. Donc on voit bien que la relecture devait être faite en principe soigneusement. Et ici, comme toujours, c'est un raté qui nous permet de savoir ce qui se passe normalement. Il pouvait aussi arriver qu'une lettre soit transmise à un tiers pour relecture avant qu'elle ne soit envoyée à son destinataire. On possède ainsi une lettre dans laquelle Laoum félicite Yasmaradou pour la lettre qu'il avait rédigée à l'intention de son père et qu'il lui avait prudemment transmise pour avis avant expédition. Laoum écrit à Yasmaradou « Monseigneur a porté à ma connaissance la tablette que Monseigneur a fait écrire au roi, donc Samsiadou, à propos des gens du Souroum, et je l'ai écouté. L'affaire, telle que Monseigneur y a réfléchi et qu'il l'a écrite à son père, est parfaite. Je suis très heureux que seul Monseigneur ait réfléchi à cette affaire, à laquelle, parmi ses serviteurs, aucun n'avait réfléchi correctement. » Ici, donc, il ne s'agit pas d'une relecture matérielle. Yass Maradou voulait avoir l'approbation de son ministre avant d'envoyer sa missive à son père, de façon à être couvert au cas où Yass Amsiadou s'irriterait à la lecture de la lettre. Et cette lettre de Laoum est digne de figurer dans une anthologie des lettres de flagornerie, vous en conviendrez. Un autre cas montre qu'un subordonné ne devait pas écrire au roi sans en référer d'abord à son supérieur. Ikshoud Ayabichou vient de partir de Sagaratum chez Monseigneur. Auparavant, lorsque Yamsimsoumou vivait encore, Nursin avait l'habitude d'agir ainsi. Tant qu'il ne s'était pas entretenu avec Yamsimsoumou, il n'écrivait pas à Monseigneur. Maintenant que l'on m'a informé, j'ai écrit chez Monseigneur, que Monseigneur le sache. Alors, pour comprendre cette affaire, il faut savoir que la lettre a été écrite par le successeur de Yamsimsoumou comme ministre de l'économie. Et celui-ci donc cite en exemple ce qui se passait du temps de son prédécesseur pour mieux souligner à quel point la conduite d'Ikshoud Ayabichou est inconvenante. Il est parti trouver le roi sans l'en avertir, alors qu'auparavant, même une simple lettre n'était pas envoyée au monarque sans que le ministre soit mis au courant. Autre cas de relecture. Il pouvait arriver qu'au moment de la constitution d'une ambassade, le roi qui l'expédiait fasse relire devant le ou les messagers le contenu de la tablette qu'il faisait porter à son correspondant. Et c'est une lettre de Bardélim qui nous le montre à contrario. Yassim Dagan, du corps des barbiers, et Moutou Dagan, du corps des appartements royaux, deux sujets de Monseigneur, écrit Bardélim au roi de Marie, ainsi que Ili Dinam et Marduk Moubalit, deux courriers de Babylone, leurs accompagnateurs, sont arrivés ici, à Marie, depuis Babylone. Donc Bardélim est à Marie, Zimrilim est en déplacement, et arrive une ambassade depuis Babylone. Et Bardélim ajoute « Je leur ai demandé des nouvelles, et voici ce qu'ils m'ont répondu. Nous n'étions pas là au moment des dépêches, Ibalpiel s'est contenté de nous expédier. » Alors, le passage peut paraître un peu sibyllin, mais en réalité, cela s'explique très bien. Manifestement, les messagers n'étaient pas présents lorsque Hammurabi a remis à Ibalpiel, ambassadeur Mariotte à Babylone, la tablette destinée à Zimrilim. Et donc, ceci est important parce que ça nous montre que si les messagers avaient été présents, ils auraient eu connaissance du message, ce qui suppose que, lors d'un envoi en mission de ce genre, eh bien, une relecture de la lettre apportée était effectuée. C'est pour ça que je parlais d'un exemple a contrario. Il semble que les scribes ne gardaient normalement pas de double des lettres qu'ils avaient écrites, mais ce point ne fait pas l'objet d'un consensus. Je me sépare, par exemple, de ce qu'André Finet avait écrit il y a quelques années. Nous avons conservé un nombre suffisamment important de ces messages, à savoir les lettres de Zimrilim à d'autres rois, pour être assuré que le ministre des Affaires étrangères de Marie en gardait copie. André Finet avait été suivi par Maurice Birot, qui écrivait, dans le volume en hommage à André Finet, il est vrai, André Finet pense avec raison que Zimrilim gardait copie de toutes ses lettres adressées à des souverains étrangers. Ce sont ces copies qui ont été retrouvées, et on en compte maintenant presque une vingtaine. Eh bien, presque une vingtaine, ça fait vraiment pas beaucoup. Et il est assuré que Zimrilim a envoyé beaucoup plus qu'une vingtaine de lettres à des souverains étrangers pendant les 13 ans qu'a duré son règne. Par ailleurs, on a vu qu'il existe un certain nombre de doubles, mais qui sont explicitement signalés comme tels. Alors, une solution possible serait que des doubles de la correspondance royale ont existé, mais qu'ils ont été emportés à Babylone, dans ces fameux coffres dont nous avons déjà parlé. Ce serait théoriquement possible pour les lettres adressées par Zimrilim au roi ses frères, mais on n'imagine pas que les doubles des lettres adressées au gouverneur aient aussi été emportés. Or, on n'en possède aucun. Et c'est l'inexistence de ces doubles qui explique ce trait de rhétorique constant dans les lettres dont nous avons déjà parlé, à savoir le rappel initial d'une missive antérieurement envoyée par la personne à qui on écrit. Et donc ce système de citation dont nous venons de parler. Ce qui a été gardé, comme lettre écrite par les rois de Marie à des gens extérieurs à la capitale, ce sont soit des brouillons, soit des lettres qui n'ont pas été envoyées. Et dans ce dernier cas, il faut bien entendu à chaque fois se demander pourquoi. On peut penser que certaines lettres n'ont pas été envoyées parce que, à l'écoute par l'expéditeur, elles ont été jugées mauvaises, et puis elles n'ont pas été détruites. Ou bien, autre possibilité, les lettres ont perdu de leur actualité du fait d'un événement intervenu entre leur rédaction et le moment de leur expédition, ou bien d'un événement dont on a appris l'existence à ce moment-là. Et ceci, donc, nous conduit à la troisième et dernière étape pour le cours d'aujourd'hui, la mise sous enveloppe et le scellement des lettres. Que la lettre ait été dictée ou pas, une fois qu'elle a été relue, eh bien, elle était mise sous enveloppe. Par définition, ces enveloppes étaient détruites par le destinataire lorsqu'il voulait prendre connaissance de la tablette, de la lettre qui lui était adressée, et ceci explique la rareté des enveloppes conservées totalement ou en partie. On peut noter le cas de ARM 2740. La copie de Maurice Birot montre que l'ouverture de l'enveloppe ne s'est pas faite sans difficulté et un fragment est resté adhérent à la tablette intérieure sur lequel figure le sceau de l'expéditeur, le gouverneur Zimri Haddou. Et ce qui est amusant, c'est que Chounoura Ralou, en lisant la lettre, a été obligé de faire comme l'épigraphiste moderne, c'est-à-dire de suppléer trois signes dans ces lignes 7 à 10 au milieu, ce qui est un exercice qui ne pose pas de problème en l'occurrence. Dans d'autres cas, on peut avoir des lettres mises sous enveloppe, mais qui, en définitive, n'ont pas été expédiées. Et à ce moment-là, l'enveloppe est intacte. Ou bien il peut arriver que, par hasard, certains fragments d'enveloppe aient été conservés. C'est ainsi que nous avons un fragment d'enveloppe de lettres expédié par Semsi Haddou et adressé à Yasmar Haddou, sur laquelle on a le déroulement de son sceau qui a été publié récemment par Julie Patrier dans la revue d'Assyriologie. Des empreintes du sceau de Zimrilim ont été retrouvées sur des fragments d'enveloppes de lettres dans le palais de Marie, mais aussi dans le palais de Katara. Et on possède également une empreinte complète sur l'enveloppe de la lettre adressée à Tichoulmé, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui donc donne sur le dessus, mais aussi sur les côtés, un déroulement pratiquement complet du sceau du roi, avec donc sa titulature, Zimrilim, bien-aimé du dieu Dagan, préfet de, et puis là c'est cassé, roi de Marie et du pays bédouin, fils de Radni, et vraisemblablement, il faut restituer Radni Haddou. C'est un sceau que nous avons publié, Jean-Marie Durand et moi-même, dans Marie IV, et j'ai pu montrer un peu plus tard que Zimrilim avait en réalité deux sceaux différents, l'un qui était utilisé par l'administration, qui avait une légende légèrement différente, et l'autre qui n'était utilisé que pour les lettres, autrement dit, qui était sans doute déroulé par son secrétaire Chounoura Ralou, et c'est le même sceau que l'on retrouve donc sur cette lettre retrouvée à Marie non ouverte, ou bien sur les fragments découverts à Tel Rima. Que les lettres aient été systématiquement mises sous enveloppe a été récemment contesté par Jesper Haidem dans son édition des lettres retrouvées à Tel Eilan, dans Pirance 117 à la page 280, et j'ai indiqué dans la revue d'Assyriologie qu'il ne fallait surtout pas porter crédit à cette indication. C'était en réalité le cas normal, et c'est simplement le hasard qui fait que, dans bien des cas, on n'a pas retrouvé les enveloppes. On peut, par exemple, faire des statistiques dans le cas de la maison qui a été numérotée 7 à Dinillé, donc sur le Moyen-Euphrate, en aval de Marie. On a retrouvé 24 lettres. Sur ces 24 lettres, il y en a 3 pour lesquelles on a retrouvé le fragment d'enveloppe correspondant, et on a retrouvé 8 autres fragments d'enveloppe qui doivent avoir correspondu à une partie des 19 lettres restantes. Autrement dit, dans près d'un cas sur deux, 11 sur 24, la lettre a été conservée avec au moins un fragment d'enveloppe. Là, il s'agit d'une maison d'un particulier, mais c'est tout à fait intéressant. L'enveloppe était donc scellée au sceau de l'expéditeur, ce qui permettait à la fois d'assurer la confidentialité du message et l'authentification de l'expéditeur. On sait qu'un des textes légendaires sur Sargon d'Akkad présente l'invention de l'enveloppe par le roi Ourzababa de Kish d'une manière radicale comme un moyen d'envoyer à la mort à son insu le messager porteur de la lettre, en l'occurrence Sargon qui était à l'époque échanson du roi de Kish. Le texte sumérien dit ceci, à cette époque, l'écriture sur tablette existait. Allusion, bien entendu, à la légende concernant l'invention de l'écriture par Enmerkar. Donc on voit un exemple d'intertextualité dans la littérature sumérienne. À cette époque, l'écriture sur tablette existait, mais les enveloppes n'existaient pas encore. Le roi Ourzababa écrivit une tablette pour Sargon, créature des dieux, qui causerait sa mort, donc la mort de Sargon, et il l'envoya à Lugalzagezi à Uruk. Autrement dit, la lettre envoyé par Ourzababa à Lugalzagezi à Uruk, porté par Sargon sous enveloppe, contenait comme message « Mets à mort le porteur du présent message ». C'est un thème qui a eu une belle descendance, à commencer par la légende grecque de Bellérophon, et on songe aussi au sort de Rosencrantz et Guildenstern dans Hamlet, et aux pièces, voire aux films, qui en ont été tirés, merci Nelle. Donc l'intérêt principal des enveloppes, on le voit bien, c'est de soustraire le texte de la lettre aux yeux des intermédiaires. Mais il pouvait arriver qu'une lettre sous enveloppe soit ouverte par quelqu'un d'autre que son destinataire. Ainsi, Ishkurzi Kalama avertit Yasmaradou qu'il a pris connaissance d'une lettre qu'il avait envoyée à Shumshu Liter parce que ce collègue était absent. « Monseigneur a fait porter ici une tablette pour Shumshu Liter à propos de céréales Bouroum. Il était parti. J'ai donc ouvert cette tablette et on a pris connaissance. » Donc on voit que quand on ouvre le courrier d'un autre collègue, voilà, il faut prendre des précautions et expliquer ce qu'on a fait. En principe, ça ne se fait pas. Voilà pour la confidentialité. Ne figurait sur l'enveloppe que le nom du destinataire, mais l'expéditeur, donc, pouvait être identifié grâce à la légende de son sceau. Et ceci est une différence avec les périodes plus récentes. À l'époque paléo-babylonienne, en effet, pratiquement tous les sceaux ont une légende qui comporte le nom de leur propriétaire, alors qu'aux époques ultérieures, on a de nombreux sceaux dépourvus de légende, et dans ce cas-là, le nom de l'expéditeur est indiqué sur l'enveloppe. Donc là, on a un changement après l'époque paléo-babylonienne. Cette fonction d'authentification, elle est explicitement indiquée par la princesse Shimatoum, qui réclamait à son père Zimrilim un sceau en présent. « Que Monseigneur l'Étoile me fasse porter un sceau de lapis-lazuli, s'il vous plaît, à mon nom. Lorsque j'enverrai un message, on ne montrera plus de dédain en disant « Il n'y a pas l'empreinte de son sceau. » Donc on voit bien que c'est aussi une question de prestige, le fait d'avoir un sceau à son nom, et en plus, au passage, le fait qu'il s'agisse d'un beau bijou en lapis-lazuli qu'on pourra porter sur son vêtement avec une épingle, comme c'était la coutume. Et ce rôle d'authentification joué par l'enveloppe me semble être sous-entendu par un message du roi d'Ilansura Hayasumu Azimrilim concernant le rassemblement des troupes de l'Idamarats, à propos de quoi tu m'as écrit « J'ai envoyé ta tablette avec son enveloppe ainsi que mes tablettes à tous les rois en vue de rassembler leurs troupes ». Alors, Hayasumu avait forcément ouvert l'enveloppe renfermant la lettre des Zimrilim pour en prendre connaissance, et donc, lorsqu'il fait suivre cette lettre aux autres rois de l'Idamarats, ça ne peut être que l'enveloppe en morceaux qu'il y a joignée, et on peut penser que ces morceaux servaient à identifier la tablette, puisque l'extérieur de l'enveloppe portait l'empreinte du sceau de Zimrilim, mais une chose qu'on montre rarement, c'est que l'intérieur des enveloppes porte en négatif le texte de la lettre, puisque l'argile, évidemment, est comprimée, et donc on voit en inversé, si je puis dire, le texte de l'intérieur. Donc on peut bien prouver que tel morceau d'enveloppe a bien servi à renfermer telle lettre. Et c'est, je pense, ce qu'il faut comprendre dans ce passage. Normalement, on l'a vu, le nom du destinataire était inscrit par le scribe sur l'enveloppe, mais on a apparemment des cas d'enveloppe sans adresse. Alors, j'en connais pas, mais on a des cas qui sont signalés. Et dans ce cas-là, c'est le messager qui indiquait à qui telle lettre était destinée. C'est ce que montre une lettre du général Sami Darhoum, écrite depuis le Liban, alors que des troupes mariottes avaient été envoyées à l'aide du roi de Katna. Sami Darhoum était absent lorsqu'arriva un messager du roi de Mari, et ce messager remit au roi de Katna des tablettes qui, en fait, étaient destinées à Sami Darhoum. Et celui-ci écrit par la suite au roi de Mari. Et nous, une fois revenus d'expédition, voici ce que nous dit Ishriadou, le roi de Katna. Le messager m'a donné à son insu des tablettes qui t'étaient destinées. Donc le roi de Katna est quand même un peu embêté, et l'envoyé du roi de Mari répond ainsi: « Les nouvelles que ton frère, Yasmaradou, nous écrit sont sans ambiguïté. » Citation. « Protégez les troupes, soyez toujours d'accord avec votre seigneur Ishriadou, conseillez-lui ce qui convient. Voilà ce qu'il m'écrit. » Je lui ai répondu, selon la teneur de la tablette de Monseigneur que j'ai entendue. Et petit détail technique ajouté ici, or, s'il a ouvert les tablettes, c'est que le messager lui a dit « elles te sont destinées ». Donc, à son insu, c'est la traduction littérale, en réalité, le messager a commis une erreur et il a mélangé les lettres destinées au roi de Katna et les lettres destinées au général commandant l'armée mariotte. Parfois, l'absence d'adresse sur l'enveloppe pouvait poser un problème plus grave, comme le signale une autre lettre de Sami Darhoum, toujours des inédits que je dois publier depuis trop longtemps, mais dont vous avez ici un avant-goût. Sami Darhoum venait à ce moment-là d'être envoyé à Yablia, sur le Moyen-Euphrate, comme général pour assister le gouverneur local, Ramanoum, face à la montée des troupes d'Eshluna, et Sami Darhoum se plaint à Yasmaradou. Yassimadou est venu ici avec 200 soldats de la porte du palais. Il était porteur d'une tablette de Monseigneur. Or, un libellé, Tawitum, n'était pas formulé sur la tablette. Elle était simplement scellée au sceau de Monseigneur. En outre, par-dessous, elle n'était pas adressée à moi ou à Haman. Comment comprendre ce passage, qui est relativement concis, laconique ? Eh bien, on peut penser que, en réalité, lorsqu'on nous dit que la libellé n'était pas formulée sur la tablette, c'est une façon rapide de s'exprimer, c'est sur l'enveloppe. Et donc, on a un cas où l'enveloppe ne comportait que l'empreinte du sceau de Yasmaradou. Et entre parenthèses, nous n'en avons aucun exemplaire et j'aimerais bien connaître la légende du sceau de Yasmaradou, mais pour l'instant, on n'en a pas retrouvé. Et donc, le fait est que ça ne suffisait pas pour savoir si cette lettre du roi était adressée au gouverneur Haman ou au général Sami Darhoum, et donc c'était quelque chose de bien embarrassant. Certaines lettres avaient un contenu jugé si important qu'elles étaient qualifiées de top secret, comme nous dirions aujourd'hui. Ainsi, Yal-Ahadou écrivit à Sametar au moment de la guerre avec les Yaminites « Il y a annonce d'hostilité ». Je te la ferai porter par une lettre secrète, Tupim Natsrim. Peu après son accession au trône, Yatarami de Karkemish écrivit en secret à Zimrilim les intentions du roi d'Alep, mais il ne voulait pas que le roi de Mari en fasse état. Et sinon, il menaçait de ne plus jamais lui écrire de choses confidentielles. Donc la lettre est amusante. « Personne ne doit apprendre que j'ai écrit ce mot à mon père. Cette mienne parole ne doit pas parvenir à Hammurabi. » Alors attention, ici, c'est Hammurabi d'Alep. « Je crains que tu ne lui écrives ce mot, à savoir que moi-même, je t'ai écrit cela. » Autrement dit, crainte d'une citation. « S'il l'apprend, alors cet homme se fâchera contre moi. Or moi, ton fils, qui n'ai pas encore affermi les fondements de mon trône, Yatarami venait de monter sur le trône de Karkemish, devrais-je voir son visage fâché et me tourner vers toi ? Toute parole que j'ai écrite à mon père doit rester secrète. Il ne faut pas que mon père soit négligent à l'égard de cette affaire pour que je n'aie pas peur et que je ne... » Et puis c'est cassé. « Sinon, je prendrai peur et j'hésiterai à t'écrire quoi que ce soit. » Donc il y a une menace à la fin. Hein. Si tu ne respectes pas la confidentialité de mon propos, eh bien, je la prendrai parce que le roi d'Alep sera furieux et m'écrira. Et après, tu peux toujours courir pour que je te donne des informations confidentielles de cet ordre. On a un autre exemple de lettre confidentielle, cette fois sous le kalam d'Ishmedagan, qui se plaignait que son frère ne lui ait pas donné assez de détails sur une bataille décisive qui venait d'avoir eu lieu, et donc il lui demande de lui adresser une nouvelle lettre, mais en prenant des précautions. En ce qui concerne le fait que chaque lettre que tu m'avais fait porter à l'extérieur, comprendre sur l'enveloppe, top secret, littéralement Shanit Sirtim, n'y était pas marqué, sur ce nouveau rapport, il y aura secret, Natsroum. Maintenant, il faut que la réponse à ma lettre que tu me feras apporter soit marquée top secret à l'extérieur, c'est-à-dire sur l'enveloppe. Alors, on peut trouver que c'est très dangereux, hein. Plus il y a indiqué « attention, c'est secret », plus la tentation d'ouvrir la lettre peut être importante. Mais en réalité, cette indication s'explique très bien. Ça permettait au destinataire de choisir les gens de son entourage qui pouvaient assister à la lecture de la lettre. Et donc, c'était ça, manifestement, le but de l'opération. Autour de Yasmaradou, il pouvait y avoir d'habitude peut-être une quinzaine de personnes qui assistaient. Là, si on sait que c'est quelque chose de secret, il y aura peut-être deux ou trois personnes seulement. Lorsque le roi était en déplacement, il n'était pas toujours aisé de savoir où adresser son courrier. En témoigne cette lettre, écrite par Utsurawasu à Yasmaradou. De plus, relativement au fait que je n'ai pas fait porter jusqu'à présent de tablette à Monseigneur, que le cœur de Monseigneur n'y trouve rien à redire. Jusqu'à présent, ceux qui m'ont apporté une tablette de Monseigneur et connaissaient le lieu de résidence de Monseigneur ne sont pas retournés là où demeure Monseigneur. Je n'ai donc pas pu faire porter de tablette de moi à Monseigneur. Mais maintenant, depuis qu'on connaît le lieu de résidence de Monseigneur à Kabara, puissent les nouvelles du palais ainsi que mes tablettes arriver régulièrement auprès de Monseigneur. Donc là, la question est de savoir si les messagers font des allers-retours. Dans certains cas, il est possible que l'on ait expédié au roi la même lettre en plusieurs exemplaires à des endroits différents. Par exemple, on a une affaire de sauterelles, d'invasion de sauterelles, où on a le même expéditeur qui écrit trois lettres qui sont presque identiques, et on peut penser que les lettres ont été envoyées à trois endroits différents pour être sûr que le roi sera tenu au courant en passant dans l'un des trois endroits. Et puis finalement, le roi serait passé aux trois endroits successivement et les lettres seraient arrivées à temps, et donc le secrétaire du roi aurait, au retour du souverain à Marie, archivé les trois lettres. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 7 juin 2017 Dominique Charpin lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne la correspondance, aujourd'hui l'art de citer et de copier. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Dominique Charpin et le lien vers Archilab, la base de données internationale qui présente les archives babyloniennes des 20e-18e siècles avant notre ère. Dominique Charpin a notamment publié « Lire et écrire à Babylone » au PUF en 2008 et plus récemment « Aux belles lettres avec le Collège de France, la vie méconnue des temples mésopotamiens ». Je rappelle également sa leçon inaugurale « Comment peut-on être assyriologue ?» publiée chez Fayard en 2015. Un grand merci à Annelie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous retrouverons l'assyriologue Dominique Charpin pour sa série « Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne ». Comment les lettres étaient-elles transportées ? Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.